Chapitre 25. Mina à la ferme. Mina alla s'arranger pour la promenade. Gaspard donna le bras à son père pour monter l'escalier et tous trois se retrouvèrent dans le vestibule, prêts à partir. Mina était rayonnante, ses yeux étaient dérougis et brillaient de tout leur éclat. Elle était plus charmante encore que les jours précédents. Gaspard ne cessait de la regarder. Mina était gaie, en train. Elle s'était familiarisée avec son beau-père et même avec Gaspard. Elle souriait à M. Ferréor et répétait souvent « Je suis heureuse, mon père, heureuse d'être près de vous ». Elle regardait Gaspard d'un air un peu malicieux, mais elle n'ajoutait pas « et de Gaspard ». « Quel beau pays » s'écria-t-elle. « Quelle charmante vallée ! Ah, je vois les usines ! Que c'est beau ! Quel magnifique bâtiment ! Qu'on est heureux de vivre ici !» M. Ferréor souriait et se réjouissait de l'admiration de Mina. Gaspard avait un air heureux et doux qu'il n'avait jamais eu. Mina s'enthousiasmait de plus en plus à mesure qu'elle approchait de ces belles usines situées dans cette charmante vallée de... Elle regardait à la portière de droite, à celle de gauche. Enfin, ils arrivèrent. Elle sauta à bas de la voiture sans donner à Gaspard le temps de lui présenter la main. Elle demanda à son mari de la laisser seule venir en aide à son père, qui trébucha en touchant terre, et tomba à moitié dans les bras de Mina. Elle le soutint très adroitement et lui donna le bras. On lui fit voir tous les ateliers, partout les ouvriers étaient groupés pour la recevoir, et partout on fut charmé de sa grâce, de sa beauté, des paroles aimables qu'elle trouva à dire à chacun. Gaspard était dans le ravissement, il ne la quittait pas des yeux. M. Ferréor, qui lui donnait le bras, n'était pas moins enchanté que Gaspard. Lorsque tout fut visité et qu'elle eut particulièrement examiné la fabrication des toiles cuivre et zinc, elle leva ses yeux attristés sur Gaspard, qui se trouvait près d'elle, et lui dit, à voix basse, « Voilà pourtant la cause de votre esclavage, pauvre Gaspard. » « Gaspard, dites plutôt la cause de mon bonheur, chère Mina. Hier et aujourd'hui ne se ressemblent pas. » Mina hocha la tête et ne répondit rien. « Gaspard, vous ne me croyez pas ?»« Mina, je crois que vous êtes bon et que vous avez pitié de moi. » Je suis reconnaissante, croyez-le bien. M. Ferréor, ayant tout fait voir à Mina, dit à Gaspard qu'il allait maintenant aux affaires sérieuses. « Et toi, mon fils, va mener Mina chez ta mère. Tu me retrouveras dans mon cabinet. » Ils se séparèrent. Gaspard et Mina prirent le chemin de la ferme. Gaspard était pensif. Mina avait repris sa timidité. « Gaspard, vous ne parlez plus, Mina. Votre gaieté vous a déjà quitté ?» Mina. « C'est votre belle manufacture de toile, cuivre et zinc qui m'a donné des idées tristes. » Gaspard. « Et fausse, vous pouvez bien ajouter. » Mina. « Fausse, le temps nous fera voir lequel de nous a raison. Quel joli chemin nous parcourons. Ces jeunes bois sont frais et charmants. » La conversation continua. Gaspard la mit au courant de sa famille, des principaux événements de sa jeunesse. Ensuite, il se tut. Mina parla de temps à autre, mais le sérieux de Gaspard lui fit peur et elle se tut comme lui. Quand Gaspard entra dans la ferme, il trouva sa mère faisant le ménage pendant que Lucas était au champ. Elle reçut donc Mina au milieu de son linge lessivé, de ses fourneaux, des fers à repasser. « Je suis désolée de vous recevoir au milieu de ce désordre, madame, » dit la mère Thomas en posant son fer et en essuyant ses mains. Mina, tristement, « Madame, vous me repoussez donc aussi, ma mère ?» La mère, mon Dieu, c'est que je crains, je n'oserai jamais vous appeler ma fille. Mina, je suis donc bien repoussante que tout le monde me témoigne de l'éloignement. La mère, de l'éloignement? Comment pouvez-vous croire, madame, que la femme de Gaspard ne soit pas reçue avec empressement? Alors, embrassez-moi, ma mère, dit Mina en se jetant dans les bras de la mère Thomas, et ne m'appelez plus madame. La mère, et comment faut-il donc vous appeler, ma charmante fille? Mina, votre fille? Ou « Mina, n'est-ce pas Gaspard ?» Gaspard, sans lui répondre, la serra dans ses bras et l'embrassa. Mina tressaillit et le regarda avec étonnement et satisfaction. La mère Thomas l'embrassa également. « À présent, ma mère, dit Mina, prenant un fer, je vais vous aider à faire le ménage. » Et Mina, jetant son chapeau et son châle sur une chaise, se mit à repasser avec une adresse et une activité qui prouvaient qu'elle n'était pas à son coup d'essai. Gaspard et la mère Thomas restaient interdits. Mina repassait toujours. Mina, vous voyez, ma mère, que je pourrais vous être utile. Ma bonne me faisait faire toutes sortes de choses du ménage. Chez mon père, je n'étais pas servie comme je le suis chez Gaspard. Nous vivions dans notre coin, ma bonne et moi, et je me servais moi-même. et vous savez, ma mère, que lorsqu'on sait se servir soi-même, on sait servir les autres. » Ma fille, que faites-vous ? Dit la mère Thomas, revenue de sa surprise et s'avançant vers Mina pour lui retirer le fer. Mina ne voulait pas le lâcher. La mère Thomas voulait le lui enlever. Mina riait et perdait ses forces. « Au secours, Gaspard ! » appela-t-elle. « Au secours, ma mère est plus forte que moi !» Gaspard obéit à l'appel de Mina et la secourut si bien que le fer resta entre les mains de la mère Thomas. Mais la glace était rompue. La lutte dans laquelle Gaspard avait pris une part si active enleva l'embarras, la crainte qu'avait éprouvée la mère à l'aspect de sa charmante et élégante belle-fille. « Mina, c'est bien, je me vengerai de ma défaite, et Gaspard me le payera, car il s'est mis contre moi au lieu de me secourir. Gaspard, comment contre vous ? Je vous ai seulement légèrement soutenu pour vous empêcher de glisser. Mina, c'est égal, puisque j'ai perdu mon fer, je vais ployer ce tas de serviettes. Gaspard, donnez-moi, je vous prie, ce paquet qui sèche au feu. Gaspard, Mina, je vous en supplie. Mina, n'est-ce pas, ma mère, que ce linge doit être ployé et détiré ? La mère, certainement, ma fille, mais Gaspard a raison de vouloir vous empêcher de faire cet ouvrage qui ne convient pas à votre position. Mina, ma position est d'être votre fille, de vous aider en tout, de vous être utile et agréable. N'est-ce pas, Gaspard ? Donnez-moi, je vous prie, ce paquet trop lourd pour moi, mon cher Gaspard. Gaspard, je ne résiste pas à un aussi charmant appel, chère Mina. Voici votre linge. Je ne devrais pourtant pas vous avoir obéi. Mina, vous devez m'obéir longtemps encore, pauvre Gaspard, pour expier vos torts envers moi. La mère, comment, ma fille ? Gaspard s'est déjà donné des torts envers vous. Mina, je crois bien, ma mère. Si vous saviez les lettres qu'il a écrites à mon père à propos de notre mariage et l'idée qu'il avait de moi, ah ah ah, il me croyait une grosse rousse, maussade et dégoûtante. La mère Thomas et Gaspard ne purent s'empêcher de rire. « Charmant enfant !» dit la mère Thomas à Gaspard. « Mina, et voyez ma mère comme il est mauvais. Il ne me donne seulement pas un coup de main, je suis sûre que Lucas ne ferait pas cela, et qu'il me donnerait le linge lorsque j'en ai besoin, comme à présent. » Lucas était entré au moment où Mina commençait à parler. Gaspard lui fit signe de se taire, mais, à la dernière réflexion de Mina, Lucas s'avança avec empressement et posa sur la table un gros paquet de serviettes. « C'est Lucas !» s'écria Mina avec surprise. « Voyez comme j'ai bien deviné » dit-elle en se dépêchant de ranger le linge et en présentant sa joue à ce nouveau frère. « J'étais sûre que ce bon Lucas me serait un excellent frère. « Lucas, comme vous me semblez devoir faire une bonne sœur, madame... » Mina, « Madame ? Ah ah ah ! Une madame qui ploie du linge ? Vous savez bien que je m'appelle Mina ? » Lucas, « Mais non, je n'en savais rien. Gaspard ne me l'avait pas dit. » Mina, « Oh, on ne s'est guère occupé de moi, à ce qu'il me semble. Mais vous avez raison, mon frère. Je serai une bonne sœur, une bonne fille et une bonne femme, si Gaspard veut bien le permettre. » Mina avait baissé la voix et son visage s'attrista subitement. Sa physionomie expressive changea complètement. Avec toute la mobilité d'une grande jeunesse et d'une naïve innocence, elle passait facilement du rire aux larmes et des larmes au sourire. Gaspard lui répondit en lui baisant la main. Mina parut satisfaite de la réponse et reprit son linge qu'elle détirait et ployait avec une dextérité qui excita l'admiration de Lucas. « Ah ! Dit-il en riant, que je voudrais avoir une femme comme Mina. « Voyez-vous, monsieur, que Lucas vous envie votre femme ? » dit Mina en riant et en s'adressant à Gaspard. « Soyez tranquille, Lucas. Lorsque vous vous marierez, appelez-moi. Je formerai ma belle-sœur à faire vite et bien. » La conversation continua, gaie et agréable pour tout le monde. Gaspard, Lucas et la mère Thomas avaient les yeux fixés sur la charmante et gracieuse Mina qui semblait les avoir tous fascinés. Le linge était ployé et rangé, les torchons étaient accrochés au foyer pour sécher, la table était débarrassée, tout était en place. « Mina, à présent, ma mère, je vais faire un peu la princesse et je vous demanderai un morceau de savon pour me laver les mains, afin de ne pas trop dégoûter Gaspard et mon père. » Lucas s'empressa d'apporter le savon à Mina et une terrine d'eau tiède. « Mina, merci, Lucas. Voyez, Gaspard, comme Lucas est aimable, comme il me sert avec empressement. » Lucas. « Je n'y ai pas grand mérite, charmante sœur. » « Gaspard, chère Mina, il faut partir. Voici 2 heures que nous sommes ici, et mon père. » « Mina, 2 heures déjà, comme le temps passe vite. Adieu, ma bonne mère. dit-elle en mettant son châle et son chapeau. « Je reviendrai bientôt et souvent, si Gaspard veut bien le permettre, » ajouta-t-elle en jetant sur son mari un regard malin et riant. « C'est Gaspard qui commande, et moi j'obéis. » « Je crois bien que ce sera le contraire, » dit Gaspard en riant. Mina embrassa sa belle-mère, qui le lui rendit avec usure, puis Lucas. « Adieu, charmante sœur, revenez bientôt, » lui dit-il. « Quand Gaspard voudra bien le permettre, » répondit Mina en souriant. « Gaspard, petite malicieuse, vous savez bien que votre volonté est la mienne. » Chapitre 26. Grand chagrin de Mina, Gaspard s'explique. Quand ils furent partis, Lucas et sa mère ne tarirent pas en éloge sur la charmante et aimable Mina. « Quelle chance à Gaspard, » dit Lucas. « Il se marie dans l'intérêt de l'usine et de M. Ferréor. Il s'attend à une femme laide, méchante, bête, et voilà qu'on lui amène la plus charmante jeune fille qu'il soit possible de voir. » Pendant ce temps, Gaspard et Mina hâtaient le pas et couraient presque pour revenir plus tôt près de M. Ferréor. Gaspard donnait le bras à Mina pour la faire marcher ou courir plus vite, et tous deux riaient à l'envi l'un de l'autre. Ils arrivèrent tout essoufflés dans le cabinet de M. Ferréor. « Gaspard, suis-je en retard, mon père ?»« M. Ferréor, non, mon ami, en avance, au contraire. » »« Gaspard, tant mieux, j'avais peur de m'être laissé entraîner par Mina. » M. Ferréor souriant. « Ah, c'est Mina, un vrai miracle qu'elle a opéré. » « Mina, c'est parce que j'ai repassé du linge, mon père. » M. Ferréor, avec surprise, « Repasser du linge? Comment, Gaspard ?»« Oh, mon bon père, ne le grondez pas, ce n'est pas sa faute, » dit Mina en passant ses bras autour du cou de M. Ferréor et en l'embrassant. « Je sais très bien faire le ménage, et j'ai aidé notre pauvre mère pour la soulager. Et puis, n'est-ce pas que ce n'eût pas été aimable ni convenable de lui laisser faire le gros ouvrage sans lui venir en aide ?»« Cher enfant, tu es une petite enchanteresse, » répondit M. Ferréor avec un sourire satisfait. « Merci, merci, cher bon père, » reprit Mina. « Vous m'avez tutoyé, et c'est parti du cœur. Oh, je vois bien que vous m'aimerez. » « M. Ferréor, je t'aime déjà, mon enfant. Qui pourrait ne pas t'aimer ?» Mina, riant. « Entendez-vous, Gaspard, ce que dit notre père ? Il est bien plus aimable que vous, n'est-ce pas, mon père ?» « M. Ferréor, je veux bien dire comme toi, cher enfant, mais le pauvre Gaspard n'ose pas. Il sait que tu as peur de lui et... » Mina. « Oh, plus maintenant, mon père. » M. Ferréor. « Depuis quand, donc ?» Mina, rougissant. « Depuis notre visite chez sa mère. » Elle ajouta très bas à l'oreille de M. Ferréor. « Il m'a embrassée, donc il ne me déteste plus. » M. Ferréor se mit à rire bien franchement. « Qu'a-t-elle dit, mon père ?» dit Gaspard en s'approchant. « Ne dites pas, mon père, ne dites pas !» s'écria Mina. « Gaspard, je le saurai bien. Mon père me dit tous ses secrets. Mina, mais pas les miens. » M. Ferréor sourit, serra la main de Gaspard et baisa les petites mains qui étaient à sa portée. « M. Ferréor, je te répète que tu es une petite enchanteresse, et à présent, ma fille, il faut que tu t'en ailles. Gaspard va faire atteler la voiture, tu retourneras chez toi, et Gaspard viendra travailler avec moi. » « Mina, ne puis-je pas rester, mon père ? Je me tiendrai tranquille dans mon petit coin, je ne bougerai pas. » « M. Ferréor, non, ma fille, tu nous gênerais. » Mina, soupirant, baisa la main de M. Ferréor et sortit. « Mina, Gaspard, est-ce que je vous aurais gêné ?»« Gaspard, je crois que oui. J'aurais eu trop peur que vous vous ennuyiez. » « Mina, mais je ne me serais pas ennuyée. » « Gaspard, qu'auriez-vous fait ?» « Mina, je vous aurais regardé. » Gaspard, souriant. « Et si j'en avais fait autant, que serait devenu mon travail ?» Mina, oh vous, il n'y a pas de danger. Gaspard, riant, comment pas de danger? C'est précisément le danger que mon père a prévu. Mina, alors adieu, Gaspard, à revoir. Ne soyez pas trop longtemps. Mina monta en voiture et songea à sa journée. Quelques semaines se passèrent encore ainsi. Mina se rassurait de plus en plus sur son avenir. Gaspard s'attachait de plus en plus à sa femme. Il commençait à trouver dans cette affection et dans celle qu'il portait à son père le calme qu'il avait tant cherché. Il avait moins de ces agitations, de ces inquiétudes qui l'attristaient autrefois. Et cependant, il sentait qu'il manquait encore quelque chose à son cœur pour arriver au but si désiré. M. Ferréor devenait de plus en plus différent de ce qu'il avait été. Sa froideur et sa réserve habituelle faisaient place à l'affection et à l'indulgence. Mina s'apercevait de ces changements et espérait de plus en plus se faire aimer de son mari. Un jour qu'elle revenait du Châtelet, où M. Ferréor et Gaspard achevaient leur après-midi comme d'habitude, elle réfléchit sur les progrès qu'elle avait faits dans le cœur de Gaspard et de M. Ferréor. « Je crois, dit-elle, que je serai très heureuse. Mon père m'aime déjà, c'est facile à voir. Ma mère aussi, Lucas aussi, je les aime bien, ils sont si bons. Gaspard, voilà ce qui m'inquiète. Il est très bon pour moi, c'est vrai. Il veut réparer ce qu'il a fait avant que nous soyons mariés. Il me dit des choses très aimables, il a l'air d'être content de moi, mais je ne sais pas s'il m'aime, comme mon père. Non, il ne m'aime pas. Il n'est pas comme sont avec leurs femmes des maris que je connais. D'abord, ils se tutoient, et Gaspard ne me tutoie pas. Ensuite, ils se disent bonjour et bonsoir en s'embrassant, et Gaspard ne m'embrasse pas. Enfin, ils demeurent près l'un de l'autre, et Gaspard m'a mis à l'autre bout de la maison, le plus loin de lui possible. Aussi, je demanderai à Gaspard la permission de mettre un lit dans ma chambre pour ma bonne, parce que j'ai peur toute seule dans mon bel appartement. Il est très beau, mon appartement. Et Gaspard, qui l'avait arrangé pour une grosse rousse méchante, est bossu, peut-être. Ah, ah, ah, comme ils ont dû être surpris quand ils m'ont vu, car je sais que je suis jolie. J'aime beaucoup ma figure et ma taille. Si j'ai des filles, je voudrais qu'elles me ressemblassent, et les garçons devront ressembler à Gaspard. Il est très bien, Gaspard. J'aime beaucoup sa figure. Il a l'air distingué. Et puis, il a une belle taille et une belle tournure. S'il pouvait m'aimer un peu, beaucoup serait encore mieux. Et s'il continue à ne pas m'aimer, je serai très malheureuse. Et je le dirai à notre père. Il me consolera, lui, car il m'aime. Et je resterai toujours avec lui, et pas avec Gaspard. C'est méchant, Gaspard. Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce ma faute si on m'a forcé à l'épouser? Pourquoi a-t-il consenti? Pour me rendre malheureuse? C'est très vilain. C'est une mauvaise action, et je ne l'aime pas du tout pour la peine. » Le résultat de ces réflexions fut un déluge de larmes. Elle descendit de voiture, pleurant comme une madeleine. Les domestiques qui la reçurent s'en étonnèrent et accusèrent leur maître de cruauté envers leur charmante jeune maîtresse, à laquelle ils s'intéressaient déjà. On alla prévenir la bonne et la femme de charge. Cette dernière vint savoir si madame était souffrante. « Mina, non, madame, je vous remercie de votre bonté. Je vais très bien, seulement... » « Madame Bonjean, je prie madame de m'excuser. Je suis bien fâchée de voir madame si désolée. Il y a longtemps que je suis dans la maison. Il est bien naturel que je prenne intérêt à ma jeune maîtresse. » « Mina, merci, chère madame. Je suis bien contente que vous ayez un peu d'amitié pour moi. Je suis bien reconnaissante qu'on veuille bien m'aimer. Mon Dieu, que je suis malheureuse. » La femme de charge, touchée des larmes de Mina, ne savait comment et de quoi la consoler. Elle alla prévenir la bonne, Madame Gauroy, qui accourut près de Mina. « Qu'as-tu, mon enfant? Ma chère enfant, pourquoi pleures-tu si amèrement ?»« Mina, ma chère bonne, je suis bien malheureuse. Gaspard ne m'aime pas. » La bonne, ne sachant pas ce qui s'était passé, ne put rien dire pour lui persuader le contraire. Elle pensa que Gaspard avait été dur et grossier pour sa chère enfant, et elle le détesta un peu plus qu'auparavant. Les heures s'écoulèrent. Mina, fatiguée de plusieurs nuits agitées et de sa douleur récente, s'endormit dans son fauteuil. Elle dormait encore quand Gaspard entra précipitamment. Il avait su par Madame Bonjean tout ce qui s'était passé et l'état de désolation de Mina à son retour. Gaspard et M. Ferréor furent consternés de ce grand chagrin. « Va, mon fils, dit M. Ferréor, va vite près d'elle. Tâche de gagner sa confiance et qu'elle t'avoue ce qui l'a mise dans cet état. » Gaspard entra donc chez Mina, qui dormait. Il s'arrêta devant elle et considéra longtemps cette attitude gracieuse, ce visage charmant qui portait encore la trace de ses larmes. Gaspard se mit à genoux près d'elle et baisa doucement la main qui soutenait la tête de Mina. « Pauvre petite, dit Gaspard. » Ces paroles, quoiqu'elles eussent été prononcées à voix basse, réveillèrent Mina. Elle poussa un cri en voyant Gaspard. « Mina, chère Mina, qu'avez-vous ? Lui dit-il en la retenant dans son fauteuil. « Mina, j'ai beaucoup de chagrin, Gaspard. » « Gaspard, et pourquoi donc, cher enfant? Qu'ai-je fait, mon Dieu, pour vous affliger ainsi ?»« Mina, Gaspard, mon cher Gaspard, vous ne m'aimez pas. » « Gaspard, moi, je ne vous aime pas. Qu'est-ce qui peut vous donner une pareille pensée ?» Mina lui raconta ses réflexions et leurs résultats. À mesure que Mina développait ses griefs, le visage de Gaspard s'éclaircissait. Il lui avoua ses vrais sentiments, la tendresse qu'il ressentait pour elle, son ardent désir de lui prouver sa vive affection et d'obtenir la sienne. il continua. « Je ferai donc comme les maris que tu connais, chère petite femme. Je te tutoierai, je demeurerai près de toi, je te dirai bonjour et bonsoir en t'embrassant. Je ferai tout ce que tu voudras, tu auras toute ma confiance, tu me donneras toute la tienne, et tu me promettras de ne jamais douter de ma tendresse. » Mina, « Non, jamais, mon ami, jamais. Je serai heureuse et je ne pleurerai plus. » Gaspard, « Et tu me tutoieras, puisque tu veux que je te tutoie. » Mina, « Oui, Gaspard, je vous... C'est-à-dire, veux-tu appeler ma bonne, Gaspard ? » Gaspard, « Oui, cher enfant, je vais te la chercher. » Mina, « Et tu reviendras avec elle. » « Madame Gauroy, ma chère Madame Gauroy, » s'écria Gaspard en saisissant et en serrant les mains de la bonne, « ma femme vous demande. Elle est contente de moi. Elle croit enfin que je l'aime de tout mon cœur. » Madame Gauroy serra aussi les mains de Gaspard avec des larmes dans les yeux et le suivit chez Mina. « Ma bonne, ma chère bonne, » s'écria Mina en courant à sa bonne et en se jetant dans ses bras, « il m'aime, il me tutoie. Il logera près de moi, il m'embrassera matin et soir. Il aura confiance en moi et j'aurai confiance en lui. » Gaspard, « Et comme je ne t'ai pas dit bonjour ce matin, je te le dis maintenant, devant ta bonne. » Et Gaspard la serra dans ses bras et l'embrassa tendrement. Madame Gauroy pleurait de joie. Elle aussi serra dans ses bras le mari de son enfant. Gaspard les quitta en leur annonçant qu'il allait rassurer son pauvre père qui s'inquiétait de la douleur de Mina. Gaspard, « Eh bien, mon père, tout est arrangé. La source des larmes de Mina est tarie. Je lui ai avoué ma tendresse, mon bonheur. Figurez-vous qu'elle croyait que je ne l'aimais pas. » Gaspard raconta à son père le détail des tristes pensées de Mina, la conversation qu'il venait d'avoir avec elle et son résultat. Les trois conséquences d'une affection sincère sont donc de la tutoyer, de demeurer près d'elle, de l'embrasser matin et soir. Monsieur Ferréor rit de bon cœur. Es-tu disposé à accorder ces trois preuves infaillibles ? Gaspard, très disposé, mon père. Je regrette seulement de quitter votre voisinage. Monsieur Ferréor, celui que tu auras vaut bien celui que tu perds. Tu penses bien que cela ne pouvait pas durer. C'était grossier et insultant pour elle. Te voilà donc avec un bonheur au grand complet. Gaspard, oui, mon père, et toujours grâce à vous. Ne craignez pas, cher, excellent père, que cette nouvelle tendresse née d'hier diminue en rien celle que je vous porte et qui a sa source dans la reconnaissance. Elle a grandi avec moi, elle est ma première affection, elle ne peut ni s'effacer, ni s'affaiblir. Un nouveau sentiment pour Mina ne peut que développer le premier qui m'ait fait sentir que j'avais un cœur. Je te comprends parfaitement, mon fils, et je n'ai pas peur. Mina, pour toi comme pour moi, achève notre éducation de ce côté. Et à présent, Gaspard, va faire ton déménagement. Tu n'as pas beaucoup de temps avant le dîner. Gaspard quitta son père et alla prévenir Madame Bonjean de venir l'aider à déménager. Il fut surpris d'y trouver Mina. Gaspard, comment Mina, toi ici ? Mina, oui Gaspard, je fais une visite à Madame Bonjean. Elle a eu la bonté de s'intéresser à mon chagrin. Il est juste que je vienne lui annoncer mon bonheur. Je lui ai tout raconté. Elle a trouvé que j'avais raison et que tu avais tort, n'est-ce pas, Madame Bonjean ? Madame Bonjean, certainement, chère dame, et je le gronderai quand je le retrouverai seul. Mina, ah ah ah, tu seras grondée, c'est bien fait, pour m'avoir tant fait pleurer. Gaspard la regardait et souriait. Ma chère Madame Bonjean, dit-il, je viens vous demander de m'aider à déménager. Madame Bonjean, oui, oui, madame m'a prévenue, laissez-nous faire. Madame Gauroy et moi, nous vous arrangerons tout cela. Mina, et moi donc ? Croyez-vous que je resterai les bras croisés pendant que vous vous fatiguerez à porter des livres et des habits ? Gaspard, Mina, chère petite, tu vas te fatiguer. Tu n'as pas l'habitude de ce genre de travail. Mina, pas l'habitude ? Mais je faisais tout le ménage avec ma bonne. Nous n'étions pas riches, va. Nous n'avions pour nous aider qu'une fille de basse-cour, une grosse rousse, comme moi. Mina rit de ce bon petit rire jeune et frais. Gaspard sourit. Méchante, tu exploites ce secret que je t'ai confié. Mina, beau secret, je le ferai connaître à tout le monde. Elle continua. Nous allions au marché, ma bonne et moi. Nous faisions la cuisine, tout le ménage, et notre blanchissage, nos robes, notre linge, et nous n'avions que 6 000 francs par an pour tout payer. Gaspard, je croyais que ton père était très riche. Mina, il paraît en effet qu'il était très riche, mais il met tout son argent dans ses usines. Ma bonne m'a dit qu'il était très gêné quand je me suis mariée. Il parlait même de fermer ses usines. Et puis, il ne m'aimait pas. Gaspard, pourquoi cela ? Mina, parce que je ressemblais à maman et que j'aimais à donner aux pauvres. Gaspard, pauvre petite. Mina, tu juges comme j'ai eu peur quand il m'a fait lire ta première lettre où tu consentais à m'épouser. Je l'ai prié, supplié de ne pas me marier à un homme qui m'acceptait par force, que je n'avais jamais vu. Gaspard, comment ? Ton père m'a écrit que tu m'avais vu au fait de mon adoption et que tu me trouvais à ton gré. Mina, riant. Ah ah ah, quel mensonge ! Je ne suis jamais allée à aucune fête. Je ne suis jamais sortie qu'avec ma bonne pour la messe et pour me promener en visitant des pauvres. J'ai donc eu très peur de ce mariage et j'ai trouvé le courage de lutter contre mon père malgré sa colère. Il avait beau me gronder, me maltraiter. Gaspard, tressaillant, te maltraiter, toi ? Mina, oh, il me maltraitait souvent. Mais cette fois, après m'avoir bien tarabusté, il m'a donné un coup. Il m'a fait si mal que j'ai cédé. Tu vois, Gaspard, qu'il ne faut pas m'en vouloir pour avoir consenti à t'épouser. Gaspard, oh Mina, Mina, pauvre enfant, si j'avais connu ta malheureuse position. Mina se jeta dans les bras de Gaspard. Elle ne sera pas malheureuse, cher Gaspard, puisque tu m'aimes, et mon père aussi. Une larme de Gaspard tomba sur la joue de Mina. « Oh Gaspard, mon bon Gaspard, ne pleure pas sur ma triste vie passée, sans quoi je vais pleurer aussi. » Gaspard l'embrassa, mais il était trop ému pour parler. « Mina, et à présent, je vais rejoindre Madame Bonjean pour ton déménagement. Pourquoi est-elle partie sans moi ?»« Gaspard, parce qu'elle est très discrète. Elle voyait que tu allais me dire des choses intimes. » « Mina, il ne fallait donc pas parler devant elle ?»« Gaspard, non, cher enfant. Tout ce que tu m'as dit devait être pour moi seule. » Mina, tu seras donc mon amie tout à fait? Je pourrai te dire tout ce que je pense, tout ce que j'ai fait, tout ce que je désire? Gaspard, tout, mon ami, tout. Mina, ah bien, alors je me dépêche de te dire, tu ne me gronderas pas, tu me refuseras si je demande trop. Gaspard, parle, parle, cher enfant, je ne te refuserai rien. Mina, eh bien, Gaspard, je voudrais bien avoir un piano et de la musique. J'aime tant la musique. J'en ai, mais très peu. Ma pauvre bonne m'en achetait sur nos économies, mais elle n'était pas grosse, comme tu penses. Gaspard, comment ? C'est cela que tu hésites à me demander ? Dès demain, j'écrirai pour un piano de Pleyel. Mina, et puis, une autre chose, mon ami. Je voudrais avoir un peu d'argent pour donner aux pauvres. Gaspard, tant que tu voudras, ma bonne, excellente petite femme, combien veux-tu ? Mina, peux-tu me donner 20 francs ? « Est-ce trop ? » ajouta-t-elle en voyant la surprise de Gaspard. « Gaspard, trop ? Mais mon enfant, ce n'est rien. Que veux-tu faire avec 20 francs ?»« Mina, c'est beaucoup, Gaspard. Nous faisions, ma bonne et moi, des vêtements de pauvres. Nous leur achetions du pain, du beurre, du bois. On a beaucoup de choses avec 20 francs. Ils étaient si contents quand nous leur apportions tout ça. »« Gaspard, tu es un ange. En faisant mon déménagement, je te donnerai 1000 francs, que je renouvellerai quand ils seront épuisés. » Mina, 1000 francs ? Oh, Gaspard, que tu es bon, j'en aurai pour un an au moins. Gaspard, non, Mina, je suis trop riche pour donner si peu. Donne toujours et tant qu'on aura besoin. Ne ménage pas ma bourse, qui est la tienne. Mina, comment je pourrais donner 10 000 francs par an ? Gaspard, pas 10 000, mais 100 000, 200 000, et bien plus encore. Pourquoi augmenter notre fortune déjà trop considérable ? Mina, mon bon, mon cher Gaspard. Le bon Dieu te bénira et te récompensera. Gaspard, que je t'aime, ajouta-t-elle en se jetant encore dans ses bras. Que de pauvres ne souffriront plus grâce à toi, à ta charité. Je vais vite le dire à ma bonne. Mina partit en courant. Gaspard resta pensif. C'est un ange que Dieu m'a donné. Elle sera mon bon ange. Elle me donnera ce qui m'a manqué jusqu'ici, la charité. À mesure que je l'aime, je me sens meilleur. Mieux disposé pour faire le bien, plus indulgent, plus doux. Mon Dieu, que j'ai de reproches à me faire, que d'actions mauvaises dans ma vie, quelle ambition, quel égoïsme. Ma première amélioration date de ma tendresse pour mon père adoptif. Je me suis sentie tout autre quand j'ai aimé, et à présent je sens mon cœur s'élargir, se remplir de bons sentiments. Je comprends le chagrin, les peines du cœur, je comprends même la piété, la prière, depuis que j'ai mené Mina à la messe. Je l'y mènerai souvent. La prière fait du bien. Elle laisse quelque chose de doux, de satisfait, que je ne connaissais pas. » Et, en finissant ces mots, Gaspard pria Dieu dans son cœur de lui pardonner son indifférence passée et de le rendre meilleur à l'avenir. Il jeta les yeux autour de la chambre et ne vit ni crucifix ni sainte Vierge. Pourtant, il aperçut dans un coin de la chambre un coussin placé comme pour s'y agenouiller devant une petite table. Sur cette table était une boîte d'une forme bizarre. Il l'ouvrit et vit un modeste crucifix en bois, une statuette de la Sainte Vierge, un chapelet en buis, un livre de prières et un portrait en miniature qui lui sembla être celui de Mina elle-même, mais vieillie. Gaspard devina que c'était celui de sa mère. Il se mit à genoux, baisa et rebaisa cette image charmante. Il baisa aussi les pieds du crucifix et allait le remettre en place lorsque Mina parut. Elle poussa un petit cri joyeux et, courant à Gaspard, elle lui prit la tête dans ses mains et lui fit un signe de croix sur le front et le lui baisa. « Tu es béni, mon Gaspard, béni par moi, par mon cœur, par ma mère et par le bon Dieu. Je suis heureuse, mon ami, de te voir prier. Si tu le veux bien, nous ferons toujours ensemble notre prière du soir. Celle du matin est impossible car je me lève de bonne heure pendant que tu dors encore probablement. Mais rien ne nous empêche de la faire le soir. » Gaspard, dès aujourd'hui, mon cher petit ange gardien, dès ce soir, je prierai à tes côtés et je te ferai venir un établissement plus convenable et plus commode pour nos prières du soir et du matin, car je ne suis pas aussi paresseux que tu le crois. Mina, tant mieux. Ton déménagement est bien avancé, mon ami. Il ne reste plus que tes papiers auxquels je n'ai pas voulu qu'on touchât. Gaspard, tu as bien fait. Viens m'aider à les ranger et les transporter en ordre. Mina, très fière d'être appelée pour des choses de cette importance, suivit Gaspard et commença le rangement. Quand ils eurent fini, elle lui demanda si elle pouvait jeter un coup d'œil sur la chambre de son père. « Mina, je voudrais bien me le figurer dans sa chambre et savoir s'il est bien logé. » « Gaspard, entre, mon enfant, entre. Il n'est jamais chez lui à cette heure-ci. Je vais emporter mes derniers papiers. » Chapitre 27. Mina chez M. Ferréor, piano et musique. Mina entra chez M. Ferréor. Elle examina chaque meuble, chaque objet. Après avoir tout vu, elle remarqua l'absence de crucifix. « Pauvre père, pensa-t-elle, il n'est pas pieux comme Gaspard. Mais nous lui ferons aimer le bon Dieu. Nous prierons tant pour lui. » Et, se mettant à genoux, au pied du lit de M. Ferréor, elle pria avec ferveur pour que son cher père aimât le bon Dieu par-dessus toutes choses. Pendant qu'elle priait, M. Ferréor rentra chez lui et resta stupéfait de voir Mina à genoux auprès de son lit. « Mina, dit-il, en s'approchant et en cherchant doucement à la relever. Mina, ma fille, que fais-tu? Par quel hasard es-tu chez moi ?» Mina se releva, ses yeux étaient humides, sa physionomie était grave, elle prit la main de M. Ferréor dans les siennes. « Mon père, j'ai désiré connaître votre chambre afin de vous y suivre par la pensée. J'ai voulu prier pour vous, chez vous. J'ai ardemment prié pour votre bonheur, non seulement en ce monde, mais dans l'autre. J'ai demandé au bon Dieu de remplir votre cœur de son amour, d'augmenter en vous l'esprit de charité, et à présent, je vous demande à vous, mon père, le bienfaiteur de mon cher Gaspard, de vouloir bien me bénir. Je n'ai pas encore reçu votre bénédiction. Gaspard m'aime maintenant, et sa tendresse a fait de moi votre vraie fille, votre enfant. » Mina se mit à genoux devant M. Ferréor, baisa tendrement la main paternelle qui devait la bénir, et reçut cette bénédiction, la tête inclinée, les larmes dans les yeux et la joie au cœur. « Que Dieu te bénisse comme je te bénis, mon enfant, ma fille chérie. Oui, je te bénis du fond de mon cœur, où tu as conquis ta place près de mon cher Gaspard. Je te remercie, ma fille, d'être venue prier chez moi, pour moi. Ton influence bienfaisante me donnera, j'espère, le cœur chrétien que tu demandes et l'esprit de charité qui m'a manqué jusqu'ici, je dois l'avouer. » En finissant ces mots, M. Ferréor releva le Rosmina et la serra contre son cœur. « À présent, cher enfant, laisse-moi seule. J'ai à travailler. Envoie-moi Gaspard, j'ai besoin de lui. » Mina courut chercher Gaspard. « Mon père n'a pas semblé mécontent que tu fusses entrée chez lui ?» demanda Gaspard avec inquiétude. Mina, au contraire, il m'a remercié, il m'a béni. Il est si indulgent pour moi. Ses yeux me regardent d'un air si bon. Il pleurait presque en m'embrassant après m'avoir béni. Mais va donc vite, Gaspard, mon père t'attend. Tu es un ange, répondit Gaspard, et il sortit. M. Ferréor raconta à son fils avec émotion la charmante et pieuse pensée de Mina. C'est non seulement de la tendresse que je ressens pour cette aimable fille, c'est encore de l'estime, et quand nous la connaîtrons mieux, je ne serais pas surpris que nous ressentions tous deux un sentiment de respect pour cette enfant si bonne et si pieuse. » Gaspard fut heureux d'entendre parler ainsi son père. Son travail s'en ressentit un peu. M. Ferréor ne dit rien, car lui aussi avait été plusieurs fois distrait par le souvenir de cette pieuse enfant priant pour lui. Le lendemain, Mina alla à la messe accompagnée de Gaspard. La journée se passa comme la veille, sauf que Mina ne les accompagna pas aux usines. Elle courut au perron pour les recevoir à leur retour et ne quitta plus Gaspard, même pendant son travail. Elle observa le genre d'occupation auquel il se livrait et dont il lui donna l'explication. Elle ne dit rien, mais le lendemain, quand Gaspard voulut prendre ses dernières feuilles, il trouva les comptes terminés. Voyant l'étonnement de Gaspard, Mina se mit à rire. « C'est moi qui te suis venue en aide, mon ami. Avant mon mariage, papa me faisait souvent faire les comptes des usines et les vérifications des livres. Et jamais je ne me trompais. Si mon père avait trouvé la moindre erreur, il m'aurait grondé sans pitié, frappé peut-être. Tu peux donc me donner tout ce travail à faire. Tu me feras grand plaisir en me procurant les moyens de vous rendre service à mon père et à toi. Et quand je dis mon père, je parle du tien et pas du mien. » Peu de jours après que Mina eut demandé un piano, elle en aperçut un charmant en bois de rose incrusté de nacre et d'ivoire et un joli meuble du même travail rempli de livres de musique que Gaspard avait fait placer dans le salon de sa femme. Mina, un piano, de la musique ? Oh, que je te remercie, mon ami ! Quel beau piano ! Les jolies incrustations ! Que je l'essaye bien vite pour voir s'il est aussi bon que beau ! Gaspard, je l'ai demandé semblable à sa maîtresse. « Parfait, sous tous les rapports. »« Tu es flatteur, Gaspard, » répondit Mina en souriant. « Sa maîtresse a bien des défauts. »« Gaspard, lesquels ? Je ne t'en connais pas. » »« Mina, d'abord d'être exigeante. Je voudrais avoir tout ton cœur, toutes tes pensées, tout ton temps. Et je sais que c'est impossible. » « Gaspard, excepté mon temps qui n'est à moi qu'en partie, tu as tout ce que tu voudrais avoir, ma charmante petite femme. » Mina lui sourit et ouvrit son piano. Dès les premières notes, Gaspard reconnut un talent supérieur. Elle joua plusieurs morceaux que Gaspard écouta avec ravissement, puis elle se mit à chanter. Sa voix pleine, sonore et étendue avait un timbre d'une douceur, d'une suavité exquise. Gaspard écoutait sans se lasser. Mina s'arrêta. « Gaspard, Mina, mon ami, chante encore, chante toujours. »« Mina, et ton travail ?»« Gaspard, je le ferai ce soir, cette nuit, n'importe. « Chante encore, je t'en prie. »« Mina, je le veux bien, parce que ton travail est fait. J'ai été dans ta chambre, j'ai trouvé tes livres, et pendant que tu étais aux usines avec mon père, j'ai tout fini. »« Gaspard, tu es donc ma chère petite Providence. Tu sais tout, tu fais de tout, tu me viens en aide pour tout. » Mina, riant, « C'est pour te faire accepter ton malheur d'avoir été forcée de m'épouser. Ne réponds pas, Gaspard, ne dis rien, je vais chanter. » Et Mina chanta le fameux air « Ditanti palpiti », etc. À peine eut-elle fini que des applaudissements frénétiques et des bis-bis répétés se firent entendre dans la rue. Mina courut à la fenêtre, restée ouverte à cause de la chaleur, et vit beaucoup de monde rassemblé dans la cour de l'hôtel. À la vue de Mina, les applaudissements redoublèrent. On distinguait quelques mots, charmantes, ravissantes. Mina, étonnée, et ne pensant nullement que ces mots s'adressassent à elle, cherchait à découvrir ce qui pouvait avoir provoqué cet enthousiasme. Gaspard s'approcha aussi de la fenêtre et reconnut plusieurs jeunes gens de la ville qui le saluèrent. Gaspard rendit le salut et entraîna Mina loin de la fenêtre. « C'est toi, Mina, qu'ils applaudissent. Moi, comment? Pourquoi? Parce que tu chantes comme un ange, parce que tu as la voix d'un ange, la figure d'un ange, le regard et le sourire d'un ange. Et que tu es un ange. » Et il baisa la main de Mina en ajoutant, « À l'avenir, chère Mina, ferme la fenêtre quand tu voudras chanter. Je n'aime pas que tous ces gens se permettent de t'applaudir et de vouloir te faire recommencer. » « Mina, je la fermerai, mon ami. Mais serais-tu jaloux? Tu as l'air furieux, » ajouta-t-elle en riant. « Gaspard, je ne l'étais pas, Mina, mais je le suis depuis que je t'aime. Et je déteste qu'on te regarde effrontément, qu'on te suive dans la rue. » Qu'on m'envie mon bonheur, tout cela m'irrite et me déplaît. » Mina, « Oh mon Dieu, Gaspard, calme-toi, si tu savais comme tu as l'air méchant, et pourtant je t'aime bien ainsi, mon cher, cher Gaspard. » Un domestique frappa à la porte. « Entrez !» dit Gaspard, d'une voix formidable. « Quelques jeunes gens demandent à être admis près de monsieur ou de madame. » « Qu'ils aillent se coucher !» répondit Gaspard avec colère. « Dis-leur que madame ne reçoit pas et que monsieur travaille et ne peut recevoir personne. » Le domestique sortit. Mina resta debout et souriante devant Gaspard, dont les sourcils froncés, les narines gonflées, indiquaient le mécontentement. Mina s'approcha près, tout près du canapé où Gaspard s'était assis. Elle se laissa tomber à genoux près de lui, prit sa main et la baisa. « Mon ami, » dit-elle d'une voix timide, « de quoi et pourquoi es-tu fâché? Tu me fais peur. Je te croyais si bon. Pardon, mille fois pardon, ma chère Mina. Je suis un sot et je ne sais ce qui m'a pris. N'aie pas peur de moi, je t'en supplie. Je ne recommencerai plus à être sottement jaloux de te voir applaudi par des étrangers. » La paix ne tarda pas à être conclue et Gaspard tint parole. Il avait l'habitude de ne pas céder à ses mouvements intérieurs et il domina sa jalousie. Après le dîner, il fit sa confession à son père devant Mina, qui atténua les torts de Gaspard et s'accusa elle-même d'imprudence. M. Ferréor se moqua un peu de Mina, beaucoup de Gaspard, et finit par prier Mina de chanter. Mina se mit au piano, chanta admirablement, et attendit le jugement de son père qui ne disait rien. Elle se leva, s'approcha de lui, et vit qu'il dormait profondément. « Il dort ? » dit-elle tout bas en riant. « Il est toujours si fatigué, ce pauvre père. Le soir, il n'en peut plus. Eh bien, mon ami, causons. Nous avons tant de choses à nous dire. » Et Mina, se plaçant sur le canapé près de son mari, ils commencèrent une conversation si animée que deux pies n'auraient pu mieux faire leur office. 10 heures était l'heure du coucher de M. Ferréor. Gaspard, qui n'oubliait jamais les habitudes de son père, se leva dès qu'il entendit sonner la pendule et réveilla doucement M. Ferréor. Quand il ouvrit les yeux, il vit Gaspard à sa droite et Mina à sa gauche. « Comment trouvez-vous que j'ai chanté, mon père ?» demanda Mina en riant. « Prenez garde, mon père, Gaspard va être jaloux !» reprit Mina en riant. Cette petite malice acheva de réveiller M. Ferréor. Il prit le bras de Gaspard, Mina les suivit. Les enfants embrassèrent leur père après l'avoir remis aux soins de son valet de chambre et ils se retirèrent chez eux. Chapitre 28. Séparation cruelle. Quelques jours après, Mina eut un nouveau chagrin. M. Ferréor lui annonça qu'il emmenait Gaspard pour une tournée de 8 jours, afin de prendre possession des terres qui composaient une partie de sa dot. Mina fut consternée, elle pleura même, mais M. Ferréor fut inflexible et Gaspard lui-même lui démontra la nécessité de ce voyage. « Mon père, dit Mina, puisque je dois rester sans vous et sans Gaspard, permettez-moi d'aller passer ces 8 jours au Châtelet des usines et chez ma pauvre mère. J'y serai sous la protection de vos bons ouvriers ou bien sous celle de la mère et du frère de Gaspard. Ici, j'aurai peur. Je n'oserai pas sortir. Je craindrai que Gaspard... » Elle regarda Gaspard avec un sourire malin. « Enfin, je serai bien mieux là-bas, mon père, avec ma bonne et près de ma mère. » « Ton idée est très bonne, ma fille. Elle me plaît. » Et je vois qu'elle fait plaisir à Gaspard. Nous partirons après-demain chacun de notre côté. Tu monteras dans la voiture pour aller au Châtelet, pendant que nous irons prendre le chemin de fer. « Merci, mon ange, » lui dit Gaspard en l'embrassant. « Tu m'évites un grand souci. » « Monsieur Ferréor, et tu sais, ma fille, qu'en notre absence, tu es la souveraine de l'hôtel et du Châtelet, que tu peux disposer de tout et commander tout ce que tu voudras. » « Mina, merci, mon bon père. Je n'userai pas beaucoup de mon commandement. » Tout le monde ici prévient mes désirs, on est trop bon pour moi, qui ne suis utile à personne. Monsieur Ferréor, tu fais un paradis de ma maison, ma fille, c'est déjà quelque chose. Le jour de la séparation fut triste pour Mina. D'abord, Gaspard ne put la conduire à la messe parce qu'il avait beaucoup à faire avant une absence de 8 jours. Le reste de la matinée, elle le vit à peine pour la même raison. Pendant le dernier repas en commun, Mina pleura sans cesse. Monsieur Ferréor et Gaspard eurent beau vouloir la remonter, ils n'y réussirent pas. « Monsieur Ferréor, mais songe donc, ma pauvre enfant, que nous reviendrons dans 8 jours. 8 jours sont bien vite passés. » « Mina, oui, mon père, quand ils sont passés. Mais quand ils sont à venir ?» « Monsieur Ferréor, et puis, vois la figure de Gaspard, et combien tu l'as triste par ce chagrin déraisonnable. » « Mina, est-ce vrai, Gaspard, que c'est mon chagrin qui t'afflige ?» « Gaspard, oui, très vrai, ma petite Mina. » Si tu supportais mieux mon absence, je partirais tranquille. mais il est certain que de te laisser affligé comme tu l'es est une vraie douleur pour moi qui t'aime si tendrement et qui suis si malheureux de te voir souffrir. Mina, mon bon cher Gaspard, pardonne-moi, tu as raison. C'est déraisonnable à moi. Je serai très bien, tu verras, et vous serez content de moi, mon père. D'abord, j'irai voir ma mère. Je l'aiderai à faire son ménage. J'irai promener avec Lucas et ma bonne. J'irai voir monsieur le curé. Il me mènera chez des pauvres. Ah, mon Dieu, je n'ai plus d'argent. Ma bonne m'a prêté 10 francs hier, et je les ai donnés à la femme d'un pauvre homme qui s'est noyé, il y a 8 jours, et chez laquelle m'avait mené monsieur le curé. Elle pleurait à faire pitié, cette pauvre femme. J'ai pleuré avec elle. Je n'ai pu lui donner que 10 francs. Elle a 2 petits-enfants tout jeunes, et si gentils. Gaspard, chère petite, pourquoi ne pas m'avoir demandé de l'argent? Il ne faut pas t'en laisser manquer. Mon père, me permettez-vous de dire à la caisse qu'on donne à Mina tout ce qu'elle demandera? Monsieur Ferréo, certainement, mon fils. Tes ordres et les miens ne se contrediront jamais. Mina, merci, mon père, merci, cher Gaspard. Je ferai la charité en votre nom, et je ferai prier tout le monde pour vous et pour Gaspard. Une chose qui me manquera bien là-bas, c'est mon piano, surtout à l'absence de Gaspard. J'aurai joué et chanté tous les soirs les morceaux qu'il aime tant. Je penserai à toi, mon Gaspard, et je compterai les heures qui me séparent encore de toi. Gaspard, et surtout, ne t'afflige pas. Mina, non, non, sois tranquille. Je comprends que 8 jours sont bien vite passés. Le déjeuner était fini, il fallut s'occuper des préparatifs du départ. Gaspard monta avec Mina pendant que M. Ferréor donnait ses derniers ordres. Mina éclata en sanglots quand il fallut donner le dernier baiser à Gaspard. Elle ne pouvait se décider à le quitter. Gaspard, Mina, ma bien-aimée, tu m'as promis du courage. Tu me désoles par ton affliction. Que veux-tu que je devienne loin de toi, te sachant dans le désespoir, comme si nous ne devions jamais nous retrouver? Mina, Gaspard, mon cher Gaspard, je serai très raisonnable, je te le promets. D'abord, je te laisse aller. Elle détacha ses bras du cou de Gaspard, et puis je mets mon chapeau et je pars. Ma bonne, nous partons, cria-t-elle. Gaspard, ta bonne est en bas, qui t'attend? Mina serra encore Gaspard dans ses bras et descendit, soutenue par lui. Elle embrassa M. Ferréor, qui descendait aussi. Il la fit monter en voiture après l'avoir laissé donner un dernier baiser à son mari. La bonne monta après elle, la voiture partit et Mina pleura. Mais sa bonne sut la raisonner, l'encourager, la distraire, et Mina arriva au Châtelet sans trop de larmes. Elle fut reçue avec empressement par André et les premiers commis. Elle s'installa avec sa bonne dans la chambre occupée par Gaspard quand il y venait. Elle avait positivement refusé de prendre celle de M. Ferréor que lui offrait André. Après avoir aidé sa bonne à tout ranger, elle lui demanda de l'accompagner chez sa belle-mère. Elles y arrivèrent au moment où Lucas allait partir pour les champs. Mina courut à lui. « Mina, c'est moi, Lucas » dit-elle en l'embrassant. « Oh, Lucas, si vous saviez comme je suis malheureuse !»« Lucas, malheureuse, charmante petite sœur, et pourquoi ?»« Mina, vous riez, Lucas, ce n'est pas bien, car je suis réellement malheureuse. »« Gaspard est parti, avec mon beau-père. » »« Lucas, et ensuite ?»« Mina, ensuite il reviendra, mais dans 8 jours. » »« Lucas, mais tout ça ne me dit pas pourquoi vous êtes malheureuse, chère petite sœur. » Mina, comment, vous ne comprenez pas? Parce que je serai 8 jours sans voir Gaspard. Lucas, ce n'est que ça. Ah ah ah, pauvre petite sœur. Ah ah ah, quel malheur, 8 jours. Ah ah ah, chère sœur, vous avez l'air indignée de me voir rire, mais je vous assure que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est que 8 jours? Mais cela vous arrivera sans cesse. Quand on est dans les affaires comme Gaspard, on s'absente souvent. Mina, mon Dieu, que vais-je devenir si Gaspard me laisse souvent seule? Lucas, vous vous y habituerez, chère sœur. Maintenant, ne pleurez plus, et allons voir ma mère qui est au jardin. La dame qui est avec nous vient-elle aussi? Mina, certainement c'est ma bonne, Madame Gauroy, qui m'a élevée, qui m'aime comme sa fille. N'est-ce pas ma bonne? La bonne, oui, oui, tu le sais bien, cher enfant. Ils allèrent tous au jardin, où ils trouvèrent la mère Thomas cueillant des pois pour le souper. Mina, bonjour ma mère, nous venons vous aider, ma bonne et moi. Je suis venue passer quelques jours au Châtelet en l'absence de Gaspard qui m'a laissée seule pour 8 jours. Et je suis bien triste, ma mère. La mère, de quoi donc, ma pauvre enfant? Mina, mais ma mère, de ne pas avoir Gaspard pendant 8 jours? La mère, il n'y a pas de quoi être triste, ma fille. Mina, comment, ma mère, 8 jours? La mère, qu'est-ce que c'est que 8 jours? C'est si vite passé. Mina sentit que cette répétition du raisonnement de Lucas était le vrai de sa position. Elle se repentit d'avoir donné de l'inquiétude et du chagrin à son mari pour n'avoir pas su être raisonnable. Elle prit la résolution de l'être plus à l'avenir. Les pois furent bientôt cueillis. Lucas était retourné à son travail. Mina acheva son après-midi en aidant aux différents ouvrages de la ferme. Elle retourna au Châtelet pour dîner. La première chose qu'elle aperçut fut son piano et sa musique. Elle poussa un cri de joie. « Comment se trouve-t-il ici » dit-elle. André, c'est monsieur qui a donné ordre qu'on l'apportât de suite pour que madame l'ait avant dîner. Mina, bon Gaspard, comme c'est aimable à lui. Merci bien, André. Qui est-ce qui l'a apporté ? André, ce sont des ouvriers terrassiers qui l'ont été chercher, madame, et qui l'ont apporté avec grand soin d'après les ordres de monsieur. Mina, remerciez-les bien pour moi, mon bon André, et donnez-leur cette pièce de 20 francs. Croyez-vous que ce soit assez ? Mon mari me dit toujours que je ne donne pas assez. André, c'est largement payé, madame. Ils seront bien contents. Ils auront leur journée, tout de même. C'est tout gain pour eux. Mina, merci, André. M'a-t-on fait à dîner ? J'ai bien faim. André, oui, madame, le cuisinier est ici. Et pour le service, c'est Félix, celui qui sert monsieur, qui sera aux ordres de madame. J'y aiderai, si madame le désire. Mina, merci, mon bon André. Je serai bien fâchée de vous déranger. Félix sera plus que suffisant. André, voulez-vous dire qu'il mette le couvert de ma bonne, qui dînera avec moi ? Vous avez l'air surpris, ajouta-t-elle en souriant. C'est qu'elle m'a élevée, ma pauvre bonne. Elle m'aime autant que je l'aime, et je mangeais toujours avec elle avant mon mariage. André sourit. Je vais donner les ordres de madame. Je comprends parfaitement que madame traite ainsi une personne qui l'a élevée. On aime déjà bien madame ici, et on l'aimera plus encore quand on saura comment madame sait reconnaître les services qu'on lui a rendus. André sortit. Mina mangea peu. Elle était triste. Le soir, elle joua du piano, chanta, écrivit une lettre à Gaspard, pria, pleura, se coucha, pleura encore un peu et s'endormit pour ne s'éveiller qu'au grand jour, à 7 heures du matin. Elle se leva à la hâte, fit sa toilette et partit avec sa bonne pour entendre la messe. Elle alla ensuite chez le curé, lui parla des pauvres, apprit avec peine qu'il y avait plusieurs familles dans un véritable besoin, se les fit indiquer et demanda au curé de venir déjeuner avec elle pour l'accompagner lui-même dans ses visites. Mina, il y aura ainsi un avantage pour vous comme pour moi, monsieur le curé. Je profiterai de votre compagnie, et vous, vous gagnerez dans le cœur de ces pauvres gens qui sauront que c'est à vous qu'ils devront leur bien-être. Le curé, mais mademoiselle, je ne sais pas à qui je dois cette gracieuse invitation et où je dois me rendre pour l'accepter. Mina, au Châtelet, chez mon père et chez mon mari qui sont absents. Je ne suis pas demoiselle, je suis la femme de monsieur Gaspard Ferréor. Le curé, vous, madame, mais vous êtes plus que sa femme, vous me semblez devoir être son bon ange. J'avais bien entendu parler par les gens de l'usine de votre bonté et de votre piété, mais j'ignorais que ce fût madame Ferréor à laquelle j'avais l'honneur de parler. Mina salua et rappela au curé son invitation. « À midi, monsieur le curé, n'est-ce pas » dit-elle en s'en allant. Le curé fut exact et satisfit aux nombreuses questions que lui adressa Mina. Elle apprit, avec une pénible surprise, que ni son beau-père ni son mari ne s'occupaient des pauvres de leur commune et des environs. « Mina, et pourtant, dit-elle, Gaspard est bien bon. Il m'a donné 1000 francs pour les pauvres dès les premiers jours de mon mariage. » Et il m'a dit que je pouvais donner tout ce que je voudrais, 100, 200 000 francs, si je voulais. Le curé, c'est qu'avant vous, madame, il n'y pensait pas, et que votre charité a réveillé la sienne. Mina, je ne la laisserai pas s'endormir, monsieur le curé, soyez-en sûr. Nous viendrons au secours de tous les pauvres. Nous leur donnerons du travail, des vêtements, des logements, du bois, du pain. Nous exigerons que les enfants aillent à l'école et au catéchisme. Nous établirons des sœurs de charité, une salle d'asile et bien d'autres choses. Vous serez mon premier ministre et demandez sans vous gêner. Vous voyez comme mon mari est bon et généreux pour moi. Et vous lui payerez tout cela en priant beaucoup pour lui. N'est-ce pas, mon cher monsieur le curé ? Je vous demande beaucoup de prières pour lui et pour mon pauvre beau-père, qui est bien bon aussi, mais qui pense tant à ses affaires qu'il oublie le bon Dieu et ceux qui souffrent. Ce pauvre père, je l'aime bien. C'est lui le premier qui a été bon pour moi, qui m'a appelé sa fille, qui m'a embrassée, qui m'a tutoyée. C'est bien bon tout cela, n'est-ce pas, monsieur le curé ? Le curé ne put s'empêcher de rire. J'avoue, madame, que je n'y trouve pas grand mérite. Mina sourit. C'est que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas que lorsque Gaspard m'a épousée, il croyait que j'étais une grosse rousse, bête et maussade. Je ris toujours quand je pense à cette drôle d'idée de Gaspard et de mon pauvre père. » Le curé était fort surpris. Cette confidence dénotait un infantillage qu'il ne s'expliquait pas. « Le curé, pardonnez-moi, madame, une question indiscrète. Quel âge avez-vous ? » ?»« Mina, j'ai 16 ans, depuis 3 mois. » Le curé, « C'est donc ça, » dit le curé en souriant. « 16 ans, c'est bien jeune pour se marier. » Mina, « Et comment marier encore ? Je ne voulais pas. Je croyais que Gaspard et son père étaient très méchants. Je n'ai dit oui que parce que mon père m'a maltraitée plus que jamais. Aussi j'avais une peur quand je suis descendue de voiture à la mairie. Je tremblais si fort que je pouvais à peine me soutenir quand Gaspard m'a donné le bras. Mais je vous raconte un tas de choses, monsieur le curé, et il est temps que nous allions voir nos pauvres. Attendez un peu, s'il vous plaît. Je vais appeler ma bonne. » « Quelle bonne et charmante enfant !» se dit le curé. « Mais ce n'est qu'un enfant. » Chapitre 29. Heureuse influence de Mina. Les visites de Mina furent productives pour les pauvres. Ils furent tous pourvus du nécessaire en attendant mieux. Le lendemain, elle passa l'après-midi chez sa belle-mère. En rentrant, elle eut l'agréable surprise d'avoir une lettre de Gaspard. Après bien des tendresses, il lui écrivait « Tes prières et ton exemple nous ont déjà fait un peu de bien, ma chère petite femme bien-aimée. Nous avons pensé aux pauvres à secourir et aux églises à réparer. Nous comptons établir partout des sœurs de charité, des salles d'asile, des écoles. Nous nous entendrons avec les curés pour faire régner l'aisance et la religion dans toutes nos propriétés. Ta prière dans la chambre de mon père nous a touchés plus que je ne puis te dire. Tu m'as fait faire des réflexions que je n'avais jamais faites. L'esprit de charité que tu as demandé pour nous commence à germer dans nos cœurs. Le mien, rempli d'amour pour toi, le sera bientôt, j'espère, de l'amour du Dieu bon qui m'a donné Mamina chérie. Tu continueras ton œuvre et tu feras de moi un vrai bon chrétien. L'indifférent, l'égoïste, l'ambitieux Gaspard fera place au chrétien repentant. Adieu, ma bien-aimée. Jamais je ne pourrai te dire combien je t'aime et combien j'éprouve de reconnaissance pour le bon Dieu et pour toi. Ce que c'est que d'épouser par dévouement pour son bienfaiteur, une grosse rousse, bête et maussade. Dans 6 jours, je serai près de toi. Avec quel bonheur je serrerai contre mon cœur la chère petite enchanteresse qui y règne sans partage, etc. » Mina fut enchantée de cette lettre, qu'elle baisa 1000 fois et qu'elle voulut porter sur son cœur. Les 8 jours de séparation finirent enfin. Mina dut retourner en ville. On la vit partir avec un vif chagrin. La mère Thomas la regretta et la pleura même tant elle avait gagné son affection par ses qualités attachantes. Le curé lui demanda instamment de revenir souvent. Elle le promit et retourna à la ville peu d'instants avant M. Ferréor et Gaspard. Elle les attendait à la fenêtre. Quand elle les vit entrer dans la cour de l'hôtel, elle sauta plutôt qu'elle ne descendit l'escalier et se trouva dans les bras de Gaspard avant d'avoir franchi le perron. M. Ferréor, plus lent dans ses mouvements, ne la rejoignit que lorsqu'elle eut été embrassée 10 fois par son mari. Elle avait tant de choses à leur raconter que le pauvre M. Ferréor demanda grâce et alla se reposer dans son cabinet où l'attendait une multitude d'affaires. C'était son repos et son occupation favorite. Ils se rejoignirent à l'heure du dîner. Le calme, le repos, le bon air de la campagne avaient rendu à Mina la fraîcheur de son teint que tant de secousses, de douleurs et de larmes avaient légèrement altéré. M. Ferréor lui en fit compliment. Elle lui rendit compte de ses générosités, de l'emploi de son temps. Elle lui parla avec tant de feu du bon résultat de ses charités que M. Ferréor en fut touché et lui demanda de les continuer en son nom. Elle l'embrassa, se loua beaucoup des soins et des attentions qu'avaient eus pour elle tous les gens des usines et du village, et particulièrement André. Gaspard ne la quittait pas des yeux, il était en extase devant elle. Quand elle remonta le soir dans sa chambre et qu'elle se dirigea avec Gaspard vers la petite table devant laquelle ils faisaient leur prière, elle poussa une exclamation joyeuse en apercevant un petit meuble formant chapelle, contenant un magnifique crucifix, une charmante statue de la Sainte Vierge, un bénitier, des flambeaux. Tout le meuble était en sculpture, représentant les scènes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. « Oh Gaspard, que tu es bon et aimable !» s'écria Mina en l'embrassant tendrement. Gaspard ne manqua pas aux promesses qu'il avait faites à Mina. Il devint de plus en plus religieux et charitable. Il chercha à réparer le tort qu'il avait fait jadis à quelques ouvriers intelligents que ses rapports trop sévères avaient empêchés d'avancer. Il protégea particulièrement André, qui obtint de M. Ferréor le poste de confiance très avantageux qu'avait jadis occupé Gaspard. M. Ferréor, amélioré par l'exemple et la tendresse de son fils et de sa fille, devint la providence du pays après en avoir été l'oppresseur. Mina obtint sans peine que les ouvriers eussent leur dimanche entièrement libre. Ils n'en travaillèrent que mieux et reçurent souvent des gratifications qu'ils méritaient et dont ils furent reconnaissants. Tout le pays changea d'aspect, les cafés se fermèrent faute de pratique, l'église devint trop petite pour la population qui s'y pressait. On ne trouvait plus dans la commune un seul individu qui ne fît pas ses Pâques et qui ne sut lire. Gaspard établit par le conseil de Mina pour l'usine et le village une bibliothèque considérable et composée de livres instructifs, intéressants et amusants. Les autres propriétés de Gaspard jouirent des mêmes avantages, la misère y était inconnue. Gaspard devint aussi un bon fils et un bon frère. Mina resta toujours la fille et la sœur bien-aimée de la mère Thomas et de Lucas qu'elle visitait souvent et qu'elle continua à aider dans les soins du ménage. Celui de Mina s'augmenta de 2 garçons. Le premier a 4 ans, le second en a 2. Monsieur Ferréor les aime tendrement. Il est le meilleur des grands-pères, comme il avait toujours été pour Gaspard le meilleur des pères. Il a 84 ans et il a le cœur plus jeune qu'il ne l'avait eu dans sa jeunesse. Il se trouve réellement heureux depuis qu'il a compris l'amour pour son prochain et pour son Dieu. Il répète souvent qu'il doit à Gaspard sa première affection et à Mina le développement des sentiments de son cœur. Mina et Gaspard s'aiment comme au premier jour de leur union. Les affaires de M. Ferréor et de Gaspard prospèrent plus que jamais. Gaspard jouit maintenant de son bonheur sans aucune réserve. Ses pensées d'ambition ne viennent plus, comme par le passé, jeter l'amertume au milieu de ses joies et de ses succès. Depuis le changement qu'a subi son cœur, il sent que la richesse et les honneurs ne procurent de véritables jouissances qu'autant qu'on les emploie à faire le bien. Lucas s'est marié il y a 2 ans. Sa femme est une bonne, grosse, forte fille pieuse, active, d'une gaieté constante. Ils font un excellent ménage et ils ont un gros garçon dont Mina a demandé à être la marraine. « Vous aurez le second, ma mère, » disait-elle à la mère Thomas, qui revendiquait ses droits. « Donnez-moi ce premier enfant de Lucas. N'est-ce pas, mon bon Lucas, que vous voulez bien ? Dites oui, cher frère. Vous m'avez dit tant de fois que vous ne pouvez rien me refuser. « Ma mère, me permettez-vous de donner mon consentement ?» dit Lucas à sa mère en riant. « Voyez comme notre chère Mina vous regarde d'un air suppliant. » La mère, « Fais comme veut Mina, mon amie, qui peut lui résister ?»« Chère mère, que vous êtes bonne !» dit Mina en l'embrassant à plusieurs reprises. « Merci, mon excellent frère, » ajouta-t-elle en embrassant Lucas. « Je serai donc la marraine de mon petit Georges. C'est le nom de mon beau-père et de mon fils aîné. Ce sera celui de mon filleul. » Gaspard riait et fut très content de cette conclusion. « Pourquoi ne l'as-tu pas appelé Gaspard, cher enfant ?» Parce qu'il n'y a qu'un Gaspard pour moi dans le monde. Il n'y en aura jamais 2. Monsieur Frolichen est mort depuis longtemps. 2 mois après le mariage de sa fille, il fut tué par une explosion en faisant des expériences chimiques absurdes. Personne chez lui ne le regretta. Mina pria beaucoup pour lui, fit dire beaucoup de messes pour le salut de son âme, pour laquelle on conserve de justes inquiétudes, car il mourut comme il avait vécu, mauvais riche. Ici se termine La fortune de Gaspard par la comtesse de Ségur, enregistrée par Christiane Jehan.